Ça fait 7 ans que je dis à tout le monde que je connais, je dis ça va empirer. Puis tout le monde est dans le déni. Comme il y a une dame que je connais, que souvent je vais prendre le thé chez elle, puis elle est tout le temps là, oh, mais il y a des alternatives, on va pouvoir. Je dis, non, non, ça va aller de plus en plus mal. Puis elle vient en maudit, elle vient tellement en colère. Je dis, non, non, ça va aller de plus en plus mal. Tu sais, je veux dire, tu vas voir la pauvreté, il va en avoir plus tantôt, c'est sûr. Oui, mais là, elle me sort tout le temps. Oui, mais ça pourrait être mieux. Oui, mais l'important, c'est pas ce qui pourrait arriver, mais ce qui arrive. Oui, mais l'important, c'est pas ce qui pourrait arriver, mais ce qui arrive. C'est ce qui arrive dans les faits, l'important. Pas ce qu'on spécule, là, ça serait mieux, puis ça serait. C'est ce qui va arriver dans les faits, c'est ça qui est important. Ce qui pourrait arriver dans notre idéalisme, ça, c'est vraiment nuisant. Parce que souvent, ça nous détourne de la réalité. Pour pouvoir qu'il arrive mieux dans les faits, faut s'attarder juste aux faits tout le temps. Puis à créer une créativité de vraiment être capable de. Au lieu de dire, ah, ben, ça n'a pas de bon sens, il y a une élite riche qui appauvrit les masses pour des raisons de gestion, puis ils n'ont aucun cœur, aucune empathie, puis tout. Donc, ces gens-là sont pas corrects. Puis là, finalement, les gens deviennent orgueilleux de leur humilité, puis ils finissent par se dire, moi, je suis pas pauvre, je suis quelqu'un d'honnête, c'est pas pareil. Puis là, ils finissent par être fiers de leur pauvreté, puis ils finissent par être confortables dans la marde. Ça, c'est la pire affaire qu'il n'y a pas. Si ça enrage les gens de voir qu'on vit dans un monde où la richesse et le statut social sont plus importants que la justesse puis l'empathie, ben c'est à eux autres de s'arranger pour essayer d'avoir plus d'argent.